Tim Tremblay de St. John Doc va débuter sa saison en fin de semaine aux États-Unis. Question de savoir un peu comment il entrevoit sa prochaine saison. On lui parle. Salut Tim! Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Tim, comment t'entrevois ta prochaine saison sur le circuit Easy Racing? Ben écoute, j'ai hâte que les courses commencent. Ça a été un début de saison quand même un petit peu difficile pour moi. Là, j'ai eu une chute là, il y a deux semaines que tu m'as comme retardé une dizaine de jours là, que je pouvais pas rider. Donc tout ça est remis en place. Puis là, on s'est entraîné quelques fois avant la première course. Mais on va tout donner pareil pour la première course pour être sûr qu'on soit pas trop loin au championnat puis essayer de faire du mieux qu'on peut. OK. Est-ce que vous faites beaucoup d'essais? Ouais, ben on en a fait les quelques derniers jours, là, mais comme j'ai dit, j'ai manqué une dizaine de jours de ma préparation. Donc j'ai pas pu tester comme je voulais, mais on a fait du mieux qu'on peut avec le temps qu'on a eu là. OK. Dis-moi, est-ce que sur le circuit Isaac, est-ce que la plupart des écuries se ressemblent ou des équipes où il y en a vraiment qui ont d'autres moyens, ils ont des moyens plus importants que d'autres? Ben, je te dirais qu'au niveau qu'on course, nous, en pro, là, les 4-5 premiers gars en avant, là, jusqu'à 4-5-6-7, je te dirais que c'est pas mal tous les mêmes équipements. Là. Ça va varier d'une marque à l'autre. Là. Ça peut être Polaris, Articat ou Bombardier, mais je te dirais que les top teams en avant des pros, là, c'est, ils ont pas mal tout le même budget. Puis les gars, ils font ça l'année longue. Puis c'est pas mal la même catégorie, je te dirais, d'équipe. Là. OK. En fin de semaine, c'est au Minnesota, c'est ça? Ouais, c'est à Duluth. Minnesota, ça commence vendredi avec le Dominator, puis des courses samedi-dimanche. OK. Comment t'as trouvé la course de la fin de semaine? Comment j'ai trouvé des Comment tu entrevois la prochaine course, la première course de l'année? Ben écoute, c'est sûr que moi je m'en vais là pour gagner. Okay. Même si j'ai pas eu la pré-saison que je voulais, je m'en vais là pour gagner. Puis c'est ça que je veux faire cette année, là, vraiment gagner le championnat. L'année passée, ça a vraiment fait mal au cœur de perdre mon championnat à la dernière journée. Dernière fin de semaine avec un bris mécanique. Fait que cette année, j'ai le couteau entre les dents puis je veux gagner. OK. Ben, Tim, parlons maintenant du côté motocross. Est-ce que ça a bien été de ce côté-là? Ouais, ça a quand même bien été. J'ai terminé en 8e place là, au championnat canadien. C'est certain que j'aurais aimé mieux faire mieux que ça. C'est plate quand tu fais des positions 6, 7, 8 comme j'ai fait toute l'année, mais le calibre était vraiment fort. Ça faisait quasiment 10 ans que j'avais pas fait le championnat au complet, donc je suis quand même content d'avoir terminé sur mes deux roues, mais c'est sûr que j'aurais préféré faire plus que ça. OK. Ben Tim, on va te souhaiter la meilleure des chances. On va te suivre pas mal tout au long de l'année, donc au plaisir de se reparler, puis on va se parler au moins une couple de fois dans l'année pour voir comment ça va. Bon, parfait, merci. Tim Tremblay de St. John Doc, donc qui va compétitionner à partir de la fin de semaine.